Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Sur mon chemin, le podcast qui accompagne chacun de vos pas. Je m'appelle Amélie, je suis psychologue et ma mission est de vous guider vers un chemin de vie qui vous ressemble. Ensemble, redécouvrons le chemin parcouru et traçons sereinement celui à venir. Pour qui vivez-vous? Alors comme ça, spontanément, vous allez me répondre, je vis pour moi, c'est évident. Mais est-ce vraiment si évident que ça? Vivez-vous uniquement selon vos envies? Vos valeurs? Mais en fait, ça veut dire quoi vivre pour soi? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans ce tout premier podcast. Alors, vivre pour soi, qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait décliner ça en trois points. Le premier, c'est que vivre pour soi, c'est vivre en fonction de ses envies. Oui, tout simplement, vivre pour soi, c'est faire ce que l'on a envie de faire. Par exemple, ce matin, je suis allée courir parce que j'en avais envie. Ou alors, cette année, je décide de changer de travail car j'en ai envie. Et même de manière beaucoup plus simple, ce midi, j'ai mangé une pizza parce que j'en avais envie. Donc voilà, vivre pour soi, c'est faire ce que l'on a envie. Et je vous invite même d'ailleurs tous les jours à faire quelque chose qui vous fait envie. Car le plus important dans la vie, c'est de faire ce que l'on veut. Bon, dit comme ça, j'avoue, ça paraît facile. Et c'est vrai que faire ce qu'on a envie, c'est pas forcément toujours évident. Parce que quand on fait ce dont on a envie, on est très souvent critiqué. Et là, j'en viens à mon deuxième point. C'est que vivre pour soi, c'est se libérer du regard des autres. Et là, les choses se compliquent un peu. Bon, qu'on se rassure, hein, c'est pour tout le monde pareil. Je vais prendre des exemples qui vont peut-être vous parler. Je n'ose pas mettre tel vêtement, parce que j'ai peur qu'on me dise que c'est trop excentrique. Je ne veux pas donner mon avis, car j'ai peur que l'on me critique ou que l'on se moque de moi. J'ai mis une fois un rouge à lèvres, mais un ami m'a dit que ça m'allait pas du tout. Alors j'en ai plus jamais remis. Bon, ça, c'est que trois exemples. Hein. Mais en fait, on pourra en prendre des dizaines, voire des centaines comme ça. Réfléchissez d'ailleurs à des situations où vous vous êtes auto-censuré, où vous n'avez pas osé à cause du regard des autres ou par peur de leur jugement. Je suis sûre que vous allez pouvoir trouver plein d'exemples personnels comme ça. Mais alors, rassurez-vous, en ce qui concerne la crainte du regard d'autrui, on est tous logés à la même enseigne. Et c'est bien normal, car c'est ce regard qui permet de nous faire sentir aimés et acceptés. Pourtant, parfois, c'est aussi celui-là qui nous bloque. Et moi, je vais vous inviter justement à vous défaire de ce regard. Comment? En vous affirmant. Vous avez le droit de vous habiller comme vous le souhaitez. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous pouvez choisir de ne pas prêter attention, de ne pas accorder de crédit aux opinions d'autrui. Alors pourquoi pas, d'ailleurs, dès demain, faire un petit défi. Habillez-vous avec un vêtement que vous n'avez jamais osé porter. Parlez à quelqu'un à qui vous avez envie de parler et dites-lui ce que vous n'avez jamais osé lui dire. Et tant pis si les gens vous regardent. Tant pis si la personne n'est pas d'accord avec vous. Vous n'avez pas besoin de leur validation. Vous n'avez besoin que de la vôtre pour vous affirmer. C'est en faisant cela que vous allez pouvoir vous sentir bien avec vous-même. Et ça m'amène d'ailleurs au troisième et dernier point. C'est que vivre pour soi, c'est vivre en harmonie. Oui, parce que quand on fait ce qu'on aime et qu'on se libère du regard de l'autre, on vit sereinement avec qui on est. On est en harmonie avec soi-même. Bon, je vous l'accorde, hein. Cette harmonie, elle n'est pas facile à atteindre. Et en fait, je dirais même qu'elle se travaille de manière continuelle. Finalement, vivre pour soi, ça s'apprend. Mais c'est pas toujours simple. Moi, la première, il m'arrive encore de modifier mes comportements à cause et par peur d'être jugée. Ça arrive à tout le monde et c'est bien normal. Être en harmonie, c'est un travail constant sur et pour soi-même. Ce sont des actions que l'on met en place pour soi. Ce sont des façons de penser que l'on change pour soi. Voilà, si on reprend le tout, bah vivre pour soi, c'est quoi ? C'est vivre en fonction de ses envies. C'est se libérer du regard des autres. Et c'est être en harmonie avec soi-même. Je finirai maintenant ce podcast par une question que je me pose très souvent quand je sens que je ne vis plus assez pour moi. Et cette question, je vous invite à y répondre. Cette question c'est: qu'est-ce que je veux pour ma vie ? Posez-vous cette question à chaque fois que quelque chose vous bloque dans la réalisation de vos envies. Et répondez-y sans réfléchir. Petit à petit, vous vous rendrez compte que vous passez avant tout ce qui vous bloque. Petit à petit, vous vous rendrez compte que vous pouvez vivre pour vous. Et voilà pour ce premier podcast. La semaine prochaine, on parlera de nos valeurs, celles qui nous guident et qui nous poussent à avancer. Je vous souhaite un très bon week-end et une très belle semaine sur votre chemin. À la semaine prochaine !